Chae-ryong-hee, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, participant aux 31e Jeux olympiques en tant que chef de la délégation coréenne de Oran, s'est entretenu le 5 août avec Michel Temer, président par intérim de la République fédérale du Brésil. Il a tout d'abord transmis au président par intérim brésilien les salutations cordiales du respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée et président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le président par intérim, Michel Temer, en a exprimé ses profondes reconnaissances et prié son interlocuteur de transmettre ses salutations sincères à son Excellence M. Kim Jong-un. En soulignant les efforts énergiques du peuple coréen pour l'application de la décision du 7e congrès du parti sous la direction du Parti Travail de Corée, Chae-ryong-hee lui a formulé la position du gouvernement coréen de développer les relations d'amitié et de coopération avec le Brésil. Le président par intérim brésilien a affirmé que son gouvernement développera davantage les relations d'amitié et de coopération avec la Corée. Le même jour, Chae-ryong-hee a rencontré respectivement les chefs d'État suisses et saint-marinais, ainsi que les vice-présidents angolais, équato-guinéens et zambiens.